Et bonjour à toutes, bonjour à tous. En 1563 meurt Étienne de la Boétie. Le poète fut conseiller au Parlement de Bordeaux, puis à la Cour. Il est l'auteur d'un discours sur la servitude volontaire rédigé alors qu'il n'avait pas 20 ans et publié dans son intégralité après sa mort par son grand ami Michel de Montaigne, qu'il rencontre en 1558 à Bordeaux. Leur amitié est une histoire d'amour qui se termine brutalement par la mort de la Boétie à l'âge de 33 ans. Quel rôle cette amitié et ce deuil ont-ils joué dans l'élaboration de la philosophie de Montaigne? Eh bien, à en croire mon invité du jour, ce rôle est énorme. Sans la mort de la Boétie, Montaigne n'aurait jamais écrit les essais. Il a 52 minutes pour vous convaincre. La perte d'un être tant aimé, comment la pleurer avec pudeur et retenue? Ô frère, quel malheur pour moi que ton trépas! Tu as emporté avec toi toutes mes joies que ta vie nourrissait d'amour tendre. En mourant, frère, tu as brisé tout mon bonheur. Dans la tombe, à ta suite, mon âme s'en est allée. Depuis que tu n'es plus, de mon esprit, je chasse tous ces travaux qui faisaient ces délices. À ma voix, jamais plus ne répondra la tienne. Jamais plus mes yeux ne te verront, ô frère, qui m'était plus cher que ma vie. Et pourtant, c'est certain, je t'aimerai toujours. Mais qu'est-ce que je pouvais bien faire d'un ami qui n'aime pas la nuit, qui tenait ni la bière ni la mer, qui appelait la musique du bruit? Il était doux de caractère, il aimait les plages sous la pluie. C'était tout à fait mon contraire, on était pourtant deux amis. Parce que c'était moi, parce que c'était lui. Bonjour Alain Legros. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Vous êtes chercheur associé au Centre d'études supérieures de la Renaissance de l'Université de Tours, l'auteur d'un très beau livre sur Montaigne qui s'appelle « Essais sur les poutres, peintures et inscriptions chez Montaigne ». Vous êtes aussi l'auteur d'un Montaigne manuscrit aux éditions Classiques Garnier qui est paru en 2010. Et c'est avec vous que nous inaugurons cette série d'émissions sur l'amitié entre philosophes. Aujourd'hui, Montaigne et la Boétie, on connaît surtout une phrase de cette amitié écrite par Montaigne et chantée par Michel Sardou dans ce que vous venez d'entendre « Parce que c'était moi ». Parce que c'était lui. C'est la meilleure description de leur rencontre, comme un coup de foudre, n'est-ce pas? Comme un coup de foudre, mais pas la formule elle-même, j'y reviendrai peut-être un peu plus tard, quand on lira le texte même de Montaigne. Je voudrais dire que ce qu'on vient d'entendre lu, et très, très joliment lu... Par Thibaut de Montalembert, qui a prêté sa voix à Montaigne aujourd'hui, oui. Bon, et je remercie donc, c'est la traduction que j'ai faite de 13 vers, qui sont deux vers d'Horace et 11 de Catulle, poète latin, tous les deux. Et c'est par ces vers en latin que s'achève pratiquement le chapitre de l'amitié central dans le livre 1 des essais. Juste après... C'est ce qu'il faut bien voir, c'est que juste après, il s'arrête et écrit « Mais oyons un peu parlé, écoutons un peu parler ce garçon de 16 ans ». Et puis, il avait écrit d'abord 18 ans, puis c'est 16 ans après, n'entrons pas dans cette problématique. Et puis, il y a dans les éditions, les premières éditions, à cet endroit, des astérisques, qui sont comme une espèce de cicatrice, car on ne l'a pas ce discours qui était présenté par Montaigne, et la présentation continue exister dans les différentes éditions de Montaigne, y compris la posthume, mais on n'a jamais ce discours de servitude volontaire que Montaigne n'a donc pas publié. N'a donc pas édité, et en principe, c'est autour de ce livre, à l'entendre, autour de ce discours, de cette déclamation, on dit parfois, c'est autour de ce discours de la servitude volontaire de son ami la Boétie qui circulait de façon manuscrite, c'est autour de cela, de part et d'autre, l'englobant en quelque sorte, qu'il a voulu écrire ses essais et qui devient, et par la suite, mais j'en reparlerai autrement, ça deviendra des poèmes, des sonnets, qui va éliminer également, ce qui fait que tout le monde, tous les Montaigniens le savent, mais c'est important, ce qui devait être un tombeau est devenu un cénotaphe, et même un double cénotaphe, mais il y a toujours pendante, c'est sur le vide, au-dessus du vide, ces présentations. Voilà. Alors, comment se rencontrent Montaigne et la Boétie, et qui sont-ils au moment de leur rencontre ? Alors, justement, c'est important de dire que ce n'est pas la rencontre de deux philosophes, c'est la rencontre de deux magistrats. L'un, ils sont tous les deux du Périgord. L'un a 2 ans et demi ou presque 3 ans de plus que l'autre, c'est la Boétie. Il est au Parlement de Bordeaux depuis quelques années déjà. On va pas s'embêter avec les chiffres trop, avec les dates, hein. Mais depuis quelques années déjà. Et quand il fait la connaissance de Montaigne, qui vient d'arriver à la Chambre des requêtes, à partir de la Cour des aides de Périgueux, mais peu importe, on est en 1557, peut-être 1558, on ne sait pas, parce que c'est à partir de la mort de la Boétie, 1563, au mois d'août, qu'on fait un calcul, Montaigne ayant dit qu'il l'a connu 4 ans, n'est-ce pas ? Alors, 4 ans, mais compte-t-il là-dedans toutes leurs missions ? Le temps, est-ce que c'est du temps long ou est-ce qu'il fait une soustraction, si vous voulez, en enlevant donc ces années ou ces mois passés l'un et l'autre séparément dans des missions différentes ? Mais enfin, en gros, 1557, et ce qui me paraît tout à fait important, c'est que dans ce milieu de magistrats où ils étaient tous les deux, magistrat Reblongue, donc, où ils étaient tous les deux. Alors, Montaigne est aussi, vous dites qu'il est magistrat, nous on le connaît souvent comme maire de Bordeaux. Comment s'est-il retrouvé magistrat ? Voilà. Alors, donc, il était magistrat jusqu'en 1569-70, et ensuite, il est devenu maire de Bordeaux plus tard, en 1581, pour 2 ans, et réélu 2 ans, voilà. Mais ça n'était probablement pas ce à quoi il aspirait. Sans aller jusqu'à... Non, il s'en plaint beaucoup d'ailleurs dans Comment les essais. Il s'en plaint beaucoup. Voilà. Mais on a des lettres de lui qui montrent bien qu'il a fait son travail, et même avec beaucoup, et même une ou deux lettres écrites en Jurade où il s'occupe beaucoup des enfants trouvés, des pauvres. Enfin voilà, il a été maire à un moment très difficile. C'est pourquoi Henri III le voulait là pour préparer donc la venue du maréchal de Matignon, etc., qui le suivra. Voilà. Pour commenter plus en amont et plus précisément votre affirmation selon laquelle les essais de Montaigne naissent en grande partie de la mort de son ami, je vous propose qu'on écoute sans plus attendre un autre texte. Cette fois-ci, c'est une lettre que Montaigne écrit à son père pour lui raconter les derniers instants de son ami de la Boétie, donc, Étienne. Et dans ce texte, il relate ce qui seraient les dernières phrases prononcées par la Boétie. Et elles ont un sens assez énigmatique que je vous inviterai à commenter ensuite. Écoutez, le texte est de nouveau lu par Thibaud de Montalembert. « Mon frère, me dit la Boétie, tenez-vous près de moi, s'il vous plaît. » Et puis, sentant les pointes de la mort plus pressantes et poignantes, ou bien la force de quelques médicaments chauds qu'on lui avait fait avaler, il prit une voix plus éclatante et plus forte, et donnait des tours dans son lit avec tout plein de violence, de sorte que toute la compagnie commença à avoir quelque espérance, parce que jusqu'alors la seule faiblesse nous l'avait fait perdre. Alors, entre autres choses, il se prit à me prier et reprier, avec une extrême affection, de lui donner une place, de sorte que j'eus peur que son jugement fût ébranlé. De même que, lui ayant bien doucement remontré qu'il se laissait aller au mal et que ses mots n'étaient pas d'homme bien rassis, il redoubla encore plus fort. « Mon frère, Me refusez-vous donc une place ? Jusqu'à ce qu'il me contraignît de le convaincre par raison, et de lui dire que, puisqu'il respirait et parlait, et qu'il avait corps, il avait par conséquent son lieu. « Voir, voir, » me répondit-il, « l'or, j'en ai, mais ce n'est pas celui qu'il me faut. Et puis, quand tout est dit, je n'ai plus d'être. Dieu vous en donnera un meilleur bientôt ? Y fussé-je déjà, mon frère ? » me répondit-il. « Il y a 3 jours que j'ahanne pour partir. » Étant sur ses détresses, il m'appela souvent pour s'informer seulement si j'étais près de lui. Enfin, il se mit un peu à reposer, mais une heure après ou environ, me nommant une fois ou deux, et puis tirant à soi un grand soupir, il rendit l'âme sur les 3 heures du mercredi matin 18e d'août, l'an 1563, après avoir vécu 32 ans, 9 mois et 17 jours. France Culture, les chemins de la philosophie et cette magnifique lettre de Montaigne sur la mort de son ami La Boétie dans le cadre de cette série d'émissions sur l'amitié entre philosophes. Alors la description du chagrin de Montaigne à la suite de son ami est bouleversante et revient quasiment à chaque chapitre des essais, hein, Alain Le Gros. Et essayons de la comprendre. Que dit-il quand Montaigne rapporte les propos de La Boétie en disant « mon frère, me refusez-vous donc une place ?» Que veut dire La Boétie ? De quelle place s'agit-il ? Précisément, c'est la question qu'il se pose. Et que Montaigne lui-même se pose. Que Montaigne lui-même se pose. Visiblement, il n'a pas bien compris. Il se contente de rapporter ce que La Boétie a pu dire, mais il fait des réponses assez convenues, ou à côté. Ça n'est pas ce que La Boétie attend de lui. Il y a là une sorte de ratage. Voilà. C'est comme ça que je le vois. Et il va falloir qu'il cherche comment donner une place à La Boétie au nom de leur devoir d'amitié mutuelle. Ne pas oublier que cette lettre est écrite est destinée à son père. Il l'avait écrite quand il publie cette lettre en 1571, après avoir s'être fait l'éditeur des traductions et des poèmes latins et français de La Boétie, c'est en annexe en quelque sorte, quand il publie, non pas cette lettre, mais cet extrait de lettre, la lettre commence par « quant à ses dernières paroles ». Nous sommes vraiment dans une continuité, donc on n'a pas toute la lettre, mais son père est vivant, son père est mort en 1568. Il y a entre La Boétie et le père, des rapports tout à fait importants. Quand Montaigne, La Boétie, le père de Montaigne, Pierre Ecquem, a dû être assez content de voir que La Boétie prenait en quelque sorte en charge ce jeune homme qui était un peu qui ne répondait pas à toutes ses attentes. C'est-à-dire, ah oui, voilà, oui. Le père de Montaigne aurait été déçu par son fils. Pas encore, mais il lui faisait pas une entière confiance et le fils était licencieux, comme il le dit lui-même, pour licencieux qu'on me prenne, etc. Mm-hmm. J'étais finalement plus fidèle à mon épouse que je pensais pouvoir l'être. Vous voyez ce genre de choses. Bon, mais pour revenir donc à cette question importante de la place, c'est une question qui a dû tarauder Montaigne certainement. Et la première réponse qu'il va donner, c'est en 1571, non pas dans cette lettre, mais dans cette lettre qui, d'ailleurs, par laquelle il fait son entrée dans ce que nous appelons, nous, aujourd'hui, la littérature, mais qui n'existait pas comme telle. Il avait été traducteur, éditeur, mais là, c'est lui qui écrit. Donc, c'est son entrée, en quelque sorte, sont ses premiers pas. On n'a rien d'autre de lui avant. Mais il va donc s'installer, étant héritier de son père, dans une tour, dans un château, son château, donc sur ses terres, dans le Périgord. Il va aménager une librairie, ce qu'il appelle une librairie, c'est-à-dire une bibliothèque, dans une tour. Et tour d'entrée, hein, c'est pas pour être à l'écart, il est juste, quand les gens entrent, c'est lui qui les voit en premier. Mmh. Il les voit approcher. Et il peut surveiller sa maison aussi, là. Mais il va donc s'installer, et donc la bibliothèque, il va faire graver, ou peindre plutôt, je crois peindre, en frise du meuble de bibliothèque, circulaire, de façon circulaire, une très longue et très emphatique inscription en l'honneur de la Boétie. Michel de Montaigne, privé de l'ami le plus tendre, le plus cher, le plus intime, du compagnon le meilleur, le plus savant, le plus agréable et le plus parfait qu'ait vu notre siècle, voulant conserver le souvenir du mutuel amour qui les unissait l'un à l'autre par un témoignage particulier de sa reconnaissance, et ne pouvant le faire d'une manière plus expressive, avouer à cette mémoire tout ce savant appareil d'études qui fait ses délices. Voilà. Cette inscription a disparu. Cette inscription a disparu, on ne la connaît que par le relevé qui en a été fait à la fin du XVIIIe siècle par ce même personnage, Prunis, qui a découvert lors de cette visite aussi dans un coffre du château le journal de voyage de Montaigne, écrit par son secrétaire puis par lui-même, hein, voyage en Allemagne, en Suisse, en Italie, Rome, etc. Mais il faut dire deux mots pour ceux qui ne le savent pas de cette bibliothèque de Montaigne quand même, Alain Legros, que vous connaissez très bien puisque vous avez notamment consacré cet essai aux poutres de la bibliothèque. Pourquoi sont-elles importantes? Car Montaigne, qui passait beaucoup de temps dans cet endroit, avait fait graver ou peindre sur chacune des poutres des citations de textes qui l'ont accompagné depuis sa naissance. Et cette bibliothèque-là, s'il la dédie à la Boétie, dans l'extrait que j'ai lu, c'est aussi parce qu'elle est symboliquement liée à leur amitié. Il récupère une partie de la bibliothèque de la Boétie à sa mort, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors, la première chose, on a une vingtaine de... On dispose, on peut voir, une vingtaine de livres qui ont appartenu à la Boétie et qui ont été légués à Montaigne. C'est une des trouvailles que j'ai pu faire et qui m'ont particulièrement plu. Je passe sur les détails, mais voilà, une vingtaine, dont plusieurs sont annotés. Voilà. Et cette main de la Boétie, elle peut être connue par les arrêts qui se trouvent, les arrêts du Parlement de Bordeaux, qui ont été rédigés par lui et souvent autographes, c'est-à-dire écrits par lui-même. Voilà. Ce sont des documents extraordinaires. Donc on peut faire cette... on a ça de la Boétie. Au fond, on a ça. On n'a pas... on a des copies, hein, du discours de la servitude volontaire, mais on n'a pas l'original. Et quant au livre, donc, un millier à peu près de livres se trouvaient là, présentés tout autour de son siège, dit Montaigne. Montaigne qui, je pense, circulait dans sa édictée, au moins au début, circulait et dictait à un secrétaire ou à une personne, un amanuensis, on disait une main, hein, vous voyez, à l'époque. Et donc, qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est que ces inscriptions peintes en noir sur fond blanc, 48 à peu près, mais au total, comme il y a deux couches, hein, on arrive à 68, 70, etc. Bon, c'est du latin et du grec, essentiellement. Deux poutres, trois travées. Et ce qui est intéressant, ce qui m'a intéressé tout de suite, c'est pour ça que j'ai travaillé là-dessus, c'est que l'orientation des inscriptions... renvoie une circulation. Si vous avez dans la première travée les inscriptions, on va dire nord-sud, mais c'est pas nord-sud, nord-sud dans la deuxième, c'est la centrale, et sud-nord dans la troisième. Donc il y a une circulation. Est-ce que ça a eu beaucoup d'importance pour Montaigne? Oh, il y a la part de la mode, hein, de la mode décorative. Je pense que on a conservé cela à peu près. On n'a pas conservé ailleurs parce que c'était pas Montaigne, mais probablement n'innovait-il pas tant que cela. Il s'entourait à la façon d'Érasme de ces sentences latines et grecques, certaines qui viennent ponctuer la rédaction des essais. Comment? D'ailleurs, hein, qui viennent ponctuer la rédaction et, des essais. Et oui, et qu'on va retrouver effectivement voilà. Dans les essais. Alors, dans quelle mesure est-ce que cette bibliothèque et les livres de la Boétie dont il a hérité, qu'il a conservé finalement, se constituent aujourd'hui des témoignages qui nous renseignent sur leur amitié réelle, indépendamment des textes. On va entendre la définition de l'amitié par Montaigne, la Boétie, et même les modalités de leur rencontre. Quand on s'intéresse aux documents, ce que vous faites, est-ce qu'on a des traces de cette rencontre réelle? On a la trace de leur collaboration. Oui. Comme parlementaire. Voilà. Vous avez, par exemple, à un moment donné, la Boétie a fait fonction de président, le président étant absent, président par intérim de la première chambre des enquêtes, et Montaigne a signé en dessous parce qu'il était rapporteur. Donc il a rédigé, mais c'est la Boétie qui, de sa petite, écriture, sa fine écriture, et en latin, dit qu'il faut donner je ne sais pas combien d'écus au rapporteur Montaigne. Mmh. C'est tout ce qu'on a, vous voyez. On n'a pas grand-chose en dehors de textes de la Boétie, mais on va parler tout à l'heure, je pense, et de textes de Montaigne, bien entendu. Mais Montaigne dit très bien, et ça, il y tient jusqu'au bout, tout ce que tu, lecteur, dit-il, dans cette édition des traductions et poèmes, etc., qui s'intitule « La ménagerie de Xénophon », etc., etc., en 1571, il s'adresse au lecteur « Tout ce que tu as de la Boétie, c'est par moi. » Mais alors, pourquoi met-il autant de temps à rédiger les essais si ceux-ci sont commandés, dictés par la mort de son ami ? Bien, c'est ça. Ça me paraît tout à fait intéressant. Et si vous me permettez, je vais lire 3-4 lignes du deuxième chapitre des essais qui s'appelle De la tristesse. Parce que combien, c'est 6 ans, c'est par la mort de la Boétie, la rédaction des essais? 8-9 ans. Hein. 8-9 ans. Allez-y. Et je crois qu'on peut comprendre ça. C'est une réaction à retardement. Il est resté avec cette question. Et voilà ce qu'il dit dans De la tristesse, et je pense que ça s'applique à lui comme aux gens dont il parle. Les gens dont il parle, c'est par exemple quelqu'un qui a perdu un être très très cher et qui n'a aucune manifestation de douleur, pas de larmes, rien. Puis, peu de temps après, ou un peu plus tard, il perd quelqu'un qui ne lui est rien, ou je ne sais même pas si c'est pas un chien, mais enfin, on peut aimer les chiens, hein, attention, ça peut être très... Mais c'est mon cas, en tout cas. Et alors, donc, donc pour quelque chose de moins important... S'effondre en larmes. Il va fondre en larmes. Et alors là, il y a donc un retard de la réaction affective par rapport. Et dans De la tristesse, je crois que ces mots s'adressent, désignent bien ce qui est arrivé. C'est le deuxième chapitre des essais. Je pense que c'est un des plus anciens, comme De l'oisiveté, chapitre 8, un des plus anciens aussi. Cette morne, muette et sourde stupidité qui nous transit lorsque les accidents nous accablent, surpassant notre portée, n'est-ce pas ? Aussi n'est-ce pas en la vive et plus cuisante chaleur de l'accès que nous sommes propres à déployer nos plaintes et nos persuasions, l'âme est l'or aggravé de profondes pensées et le corps abattu et languissant d'amour. Et c'est la stupidité, c'est l'incompréhension et... probablement, c'est ce que je pense, Montaigne, c'est ce que je pense maintenant, j'ai pas toujours pensé ça, probablement Montaigne a-t-il conçu les essais, à chaque fois qu'il les reprenait, comme un service d'amitié, il lui a fallu, rattraper peut-être ce temps perdu, ou cette absence de réaction qui a peut-être été la sienne. Il dit à la fin du chapitre dont vous avez lu un extrait, « Je suis peu sujet à ces émotions violentes, j'ai la sensibilité naturellement dure, et je l'encroûte et l'épaissis tous les jours par raisonnement. » On sent la dureté qu'il a à l'égard de lui-même, et le recours au raisonnement comme étant quelque chose de réconfortant, mais qui ne fait que rajouter des couches supplémentaires entre lui et sa tristesse. Comme si les essais étaient le travail qui consistait à défaire ces couches de la rationalité pour saisir l'expérience qui lui échappe. Oui, je pense qu'on peut dire ça. Alors, l'insensibilité, quand même, j'ai cette phrase en tête hein, qui me plaît beaucoup. J'ai l'âme tendre au... elle est inexactement reproduite là. J'ai l'âme tendre au refus. Hein. Mm. Voilà. Et il parle d'amour, de femme, etc. Et se voir refuser un amour, c'est quelque chose qui... J'ai l'âme... C'est pas j'ai l'âme tendre. Les yeux, c'est ça qui est intéressant. Voilà, excusez-moi. J'ai les yeux tendres. Au refus. Au refus, à subir un refus, mais également à refuser. Mais est-ce que ça veut dire que les essais, d'une certaine manière, ne sont pas tellement le résultat d'une amitié très forte et d'un deuil, mais une manière aussi pour Montaigne d'en faire un récit, de devenir auteur de cette amitié. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'il y a forcément une transformation de ce qu'il a vécu par les mots pour proposer ce texte qui est resté, pour le coup, dans l'histoire de la philosophie, au-delà de l'amitié avec la poétie. Il dit en gros que si la Boétie, qui a écrit ce merveilleux discours, mais de jeune homme, dit-il, il semble considéré comme un excellent exercice scolaire, si vous voulez. Il dit, s'il avait vécu, il aurait fait peut-être comme moi. C'est lui qui aurait écrit des essais. Mm. C'est lui qui aurait été, à condition qu'il se laisse aller à ses fantaisies. Mais là, vous l'avez dit, la Boétie était plus âgée que Montaigne. Il y avait sans doute une admiration de la part de Montaigne envers la Boétie. C'est indéniable. Et je crois qu'on le verra dans un texte. Alors, on va laisser la parole à Étienne Laboissy lui-même, puisqu'on l'entend peu, finalement. Ouais, Nous parlons beaucoup de Montaigne, et lui aussi a son intérêt quand même, surtout quand il parle d'amitié. On va entendre un extrait d'un poème adressé à Montaigne, où il questionne ici le sens de l'amitié. C'est Vincent Schmitt qui prête sa voix. Une bonne partie des sages, se méfiant de la foule, ne croit pas en l'amitié, sauf quand le temps l'a mise à l'épreuve et qu'elle a lutté contre les divers assauts du malheur. Or, un amour d'un peu plus d'un an nous unit, sans rien envier pourtant à l'amour le plus fort. Inconséquence de la fortune, le dire n'est pas permis. Il n'est aucun sage qui, sachant la durée de notre union et nous connaissant tous deux, nos goûts, notre caractère, refuse son approbation bienveillante à un si grand amour, bien qu'avec chagrin. Aucune crainte que nos neveux jaloux n'empêche d'ajouter notre nom à celui des amis célèbres, si les destins le permettent. Le cerisier greffé refuse de produire la pomme, et le poirier ne reconnaît pas les prunes. Rien ne peut en triompher, ni le temps, ni les soins, car leurs natures y sont tout le temps opposées. Bientôt, la même greffe, moins indolente, a fait corps avec d'autres arbres, par un pacte secret avec la nature, et déjà, les bourgeons se gonflent et s'unissent, et tous deux font éclore un rejeton de leurs efforts communs. Un rameau étranger se développe, et la souche se réjouit de prodiguer la sève paternelle. Elle change de nom et émigre dans une nouvelle famille. Les âmes ont les mêmes propriétés. Aucune circonstance ne peut dénouer leur union, ni aucun art les assembler. À toi, Montaigne, au milieu de tous les hasards, la souveraine nature et la précieuse vigueur séductrice de l'amour m'ont uni. Difficile de voir la différence, Alain Longuereau, entre cette déclaration d'amitié et une déclaration d'amour, qui d'ailleurs revendiquée, hein, celle-ci n'a rien à envier à l'amour le plus fort, dit la Boétie. Il va jusqu'à comparer deux âmes amies à deux arbres greffés par la nature comme un lien absolument indéfectible. Amitié ou amour dans ce cas? Oh, amitié amoureuse, on l'a comme on veut. Oui, je sais pas, je fais pas la distinction. Ouais. Bah, la question se posera forcément de savoir si eux-mêmes, dans ce cas, ont eu une histoire d'amour au sens même sexuel du terme, dans ce cas. Eux-mêmes ont eu, et de la part, avec initiative de la part de la Boétie, des modèles antiques d'amitié parfaite, probe, vertueuse, dont il pensait qu'il pouvait être le salut pour l'époque difficile qui était la leur, époque des guerres de religion, hein, dites de religion, époque terrible. Tellement terrible d'ailleurs que le premier poème, il y a trois poèmes hein, de la Boétie en latin, dont celui-ci, une petite partie, hein, c'est une petite partie, mais trois poèmes, et le premier est adressé à Montaigne et à Belot, un autre conseiller, et la Boétie dit les amis, je m'en vais, hein, je vais m'en aller bientôt, je vais pas m'en aller, il pense pas mourir, hein, mmh. Je vais m'en aller en Amérique. Bon, c'est quelque chose qu'on connaît pas beaucoup. Il faut traduire évidemment ces textes là où on pourra faire quelque chose d'un peu neuf, n'est-ce pas? Et qu'est-ce non qu'il pas... reproche? Comment? Quel est le problème? Ah ce qu'il reproche, c'est que le pays est à feu et à sang. Ah voilà. Donc c'est pas seulement intellectuellement. Ah non, pas du tout. Non, il est dégoûté de tout cela. Dégoûté, il aurait aimé être. Oui, c'est ça qu'il. Il pense à s'en aller, il pense à partir. C'est une époque terrible, quand même. Terrible, et qui fait penser à ces gens-là, à des époques terribles de l'Antiquité, l'époque où César et Pompée étaient en guerre civile, l'époque plus tôt encore, où on en a fini avec les Pisistratides, à Athènes, donc les rois d'Athènes. Donc ça veut dire que la Boétie a en tête, plus que Montaigne sans doute, d'après les textes qui nous restent, a en tête un modèle d'amitié antique auquel il voudrait se conformer. Absolument. Un idéal en absolument. Fait d'amitié. Absolument. Et Montaigne, il y a une espèce de contrat entre les deux, si vous voulez, de ce côté-là. Hein. Donc c'est ça qu'il faudrait le quand contrat. Même ne pas oublier l'aspect politique au fond de cela et ne pas oublier que ces deux amis sont d'abord des sodales, c'est-à-dire des collègues, des confrères. Pourquoi est-ce important? Pourquoi est-ce important? La psychologie existe forcément, bien sûr, entre ces deux personnes, mais il y a chez eux une idéologie commune, hein, certainement, une volonté de faire revivre le... D'ailleurs, dans la lettre, la Boétie le dit bien, vous que j'avais choisi, il dit ça à peu près, je vais pas retrouver la citation, mais peu importe, vous que j'avais choisi pour revivre ces amitiés antiques. Mais ça change la nature de l'amitié, non, quand même? Ah, mais nous n'avons de l'amitié de l'un et de l'autre, nous n'avons que des textes. Voilà. Nous n'avons que des textes, les uns édités par Montaigne, les autres écrits par Montaigne. Et nous n'avons rien d'autre. Parce que lorsque la Boétie professe son amitié de manière assez solennelle, Montaigne, lui, alors certes, il écrit après la mort de son ami, mais décrit de manière plus intime ce qui s'est passé. On va prendre un exemple. La Boétie, quand il parle de l'amitié, il dit « L'amitié, c'est un nom sacré. C'est une chose sainte. Elle ne se met jamais qu'entre gens de bien et ne se prend que pour une mutuelle estime. Elle s'entretient non tant par des bienfaits que par la bonne vie. Ce qui rend un ami assuré de l'autre, c'est la connaissance qu'il a de son intégrité. Les répondants qu'il en a, c'est son bon naturel, la foi et la constance. » Et il ajoute, et ce point est décisif et va dans votre sens, Alain Legros, « Il ne peut y avoir d'amitié là où est la cruauté, là où est la déloyauté, là où est l'injustice. Et entre les méchants, quand ils s'assemblent, c'est un complot, non pas une compagnie. Ils ne s'entraiment pas, ils s'entrecraignent. Ils ne sont pas mes amis, mais ils sont complices. » Ce qui est présupposé dans ce texte, c'est que seuls les gens vertueux peuvent être amis. C'est en tout cas ce que, probablement, dans ce que nous avons, la Boétie n'a cessé de dire à Montaigne. Hein. C'est son mentor, c'est son grand frère, c'est son... Voilà, il a 2-3 ans de plus que lui. Et il y a un ascendant de la Boétie sur Montaigne, ça c'est évident. Et donc, mais ça, Aristote ne disait pas autre chose. Voilà, justement, c'est ça. Aristote, Cicéron disent les mêmes choses. Et ce sont des grands lecteurs hein, d'Aristote et de Cicéron, même même Montaigne, quoi qu'il en dise à propos d'Aristote, il s'en sert beaucoup. Et Aristote et Cicéron disent les mêmes choses de l'amitié. Cicéron dans le De Amicitia et Aristote dans au livre 8, je crois, de l'Éthique à Nicomaque. Voilà. Et c'est vraiment un contrat entre deux personnes pour s'aider mutuellement à être vertueux. Alors c'est pas pour nous, c'est pas très très folichon bien à notre époque, n'est-ce pas? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? En tout cas, il faut bien avoir ça en tête si on veut apprécier à partir de ce que nous avons qui vient de Montaigne. Vous savez que le discours de la servitude volontaire lui-même, c'est Montaigne qui dit quel est l'auteur. On n'aurait pas, ça serait anonyme. Parce que des fragments ont été publiés du vivant de la Boétie, mais pas en son nom. On n'a pas son nom. On n'a nulle part son nom. Mais je pense que les parlementaires qui le connaissaient savaient que c'était lui. Hein. Et alors ça, c'est quand même très important dans la rencontre. Hein. C'est l'importance de la lecture. Lire, Montaigne a lu la Boétie avant de le rencontrer. Le chemin est déjà fait. Et lui va écrire en disant ceci, comme une petite annonce, les essais, hein, comme une petite annonce, si mon caractère convient à quelqu'un, etc., il suffit de siffler en paume, j'irai vous apporter des essais en chair et en os. Comme une petite annonce de rencontre, oui, avec un lecteur. Oui, il cherche. Bah, une petite annonce qui fait. Il cherche à refaire. Et lorsqu'il va avoir, il va avoir Marie de Gournay. Mais qui l'a lu, qui l'adore littéralement, hein, Marie de Gournay, avant même de le rencontrer à Paris en 1588, mais elle l'a lu d'abord. Ça passe par le livre d'abord. Donc il veut, les essais seraient une sorte de déclaration d'amitié au lecteur. Il cherche des amis en écrivant les essais, c'est ça que vous dites? Un ami. Pourquoi est-ce important parce un ami? Parce que les choses, bah c'est ce que disent les autres, Cicéron, etc. Mais cette chose dont nous parlons peut se vivre entre deux amis, amitié amoureuse effectivement, hein, mais c'est entre deux personnes et non pas, pourquoi non pas plusieurs? Je sais pas, Aristote le dit, ça peut pas être plusieurs. Hein, non, mais parce qu'il y aura plusieurs lecteurs. Oui, mais chacun sera un. Voilà. Voilà, attention, il s'adresse au lecteur au singulier, mais c'est habituel, hein, c'est habituel. Mais chacun sera, moi, je suis son ami. Vous êtes son ami quand vous lisez. Vous voyez, c'est ça. En tout cas, il est mon ami. Je ne sais pas si je le suis pour lui. Bah oui, d'accord. Mais je peux imaginer que il serait content de cela. Mais voilà. C'est vrai, le lien d'amitié qui peut lier un auteur et un lecteur n'est pas souvent exploré. Il le fait à merveille. Et moi, je trouve, oui, c'est ça. Alors, on va écouter, parce qu'on ne l'a pas encore entendu, le récit de leur rencontre fait par Montaigne, donc, dans les essais. On est toujours... Alors, cette fois-ci, on est au livre 27 des essais, au chapitre 27 du premier livre des essais. Écoutez cette rencontre, le récit qui en est fait, la dimension festive qui accompagne la rencontre et le début d'analyse de sa propre solitude que Montaigne en propose. Ce que nous appelons ordinairement amis et amitié, ce ne sont qu'accointances et familiarités nouées par quelque occasion ou commodité, par le moyen de laquelle nos âmes s'entretiennent. En l'amitié de quoi je parle, elles se mêlent et se confondent l'une en l'autre, d'un mélange si universel qu'elles effacent et ne retrouvent plus la couture qui les a jointes. Si on me presse de dire pourquoi je l'aimais, je sens que cela ne se peut exprimer qu'en répondant « parce que c'était lui, parce que c'était moi ». Il y a, au-delà de tout mon discours et de ce que j'en puis dire particulièrement, je ne sais quelle force inexplicable et fatale, médiatrice de cette union. Nous nous cherchions avant que de nous être vus et par des rapports que nous entendions l'un de l'autre. À notre première rencontre, qui fut par hasard en une grande fête et compagnie de ville, nous nous trouvâmes si pris, si connus, si obligés entre nous, que rien dès lors ne nous fut si proche que l'un à l'autre. Il écrivit une satire latine excellente, qui est publiée, par laquelle il excuse et explique la précipitation de notre intelligence, si promptement parvenue à sa perfection. Ayant si peu à durer, et ayant si tard commencé, elle n'avait point à perdre temps. Si je compare tout le reste de ma vie, quoiqu'avec la grâce de Dieu je l'ai passée douce, aisée, et, sauf la perte d'un tel ami, exempte d'afflictions pesantes, pleine de tranquillité d'esprit, si je la compare, dis-je, toute, aux 4 années qu'il m'a été donné de jouir de la douce compagnie et société de ce personnage, ce n'est que fumée. Ce n'est qu'une nuit obscure et ennuyeuse. Je ne fais que traîner, languissant, et les plaisirs mêmes qui s'offrent à moi, au lieu de me consoler, me redoublent le regret de sa perte. Nous étions à moitié de tout. Il me semble que je lui dérobe sa part. J'étais déjà si fait et accoutumé à être deuxième partout qu'il me semble n'être plus qu'à demi. Chaque phrase dite dans ce texte trouve un écho dans l'esprit de l'auditeur ou du lecteur et nous accompagne pendant longtemps. Alors on pourrait en commenter beaucoup. Alain Le Gros, je vous propose qu'on reparte de cette phrase très connue et qui a ouvert l'émission, parce que c'était lui, parce que c'était moi. L'histoire, enfin, cette phrase elle-même a une histoire. Cette phrase elle-même a une histoire. Et le chapitre lui-même a une histoire, puisque ce qu'on vient de lire est dans l'édition posthume, 1595, Montaigne est mort en 92. Et c'était dans cette édition posthume, il y a un décalage, un chapitre qui est passé du numéro 14 au numéro 40. Oui, c'est pour ça que j'ai dit 27 et non 28. Voilà, et c'est pour ça. C'est pour ça que vous avez 27, alors que du vivant de Montaigne... Mais l'a-t-il voulu jusqu'au bout? Ça, c'est une question. Le chapitre 28, c'est celui qui précède par définition le chapitre 29. Et le chapitre 29, ce sont d'abord, en principe, le discours de la Boétie, puis les 29 sonnets. Voilà. Et donc, de l'amitié servait en quelque sorte de préface à cela. Alors, cette phrase. Cette phrase, elle a été écrite en plusieurs fois, et c'est très clair sur l'exemplaire de Bordeaux, cet exemplaire de travail qui est conservé à Bordeaux et qui sera peut-être, on l'espère, bientôt au patrimoine de l'UNESCO. Bon, l'analyse des encres, ou plus. Pas encore analysé, mais la considération des différentes encres montre très bien que ça a été écrit en plusieurs fois. Qu'avait-on donc avant l'édition posthume, mais aussi avant cet exemplaire de ouais. Bordeaux? Qu'avait-on? Eh bien, on avait ceci, et ça mérite d'être entendu comme c'était lu du temps de Montaigne. Durant sa vie, il y a ce semble au-delà de tout mon discours et de ce que j'en puis dire, ne sais quelle force divine médiatrice de cette union, ce n'est pas une particulière considération ni deux, ni trois, ni quatre, ni mille, c'est je ne sais quelle quintessence de tout ce mélange qui, ayant saisi toute ma volonté, l'amena se plonger et se perdre en la sienne. Et il ajoute sur l'exemplaire de Bordeaux, et qui, ayant saisi toute sa volonté, l'amena se plonger et se perdre en la mienne. Qu'avait-il fait un peu plus haut? Et là, j'en viens donc à ce dont vous parliez. Un peu plus haut, c'était, il avait écrit, si on me presse de dire pourquoi je l'aimais, je sens que cela ne se peut exprimer. Point. C'est tout. Alors que là, on a, si on me presse de dire pourquoi je l'aimais, je sens que cela ne peut s'exprimer qu'en répondant. Parce que c'était lui. Top. Parce que c'est. Ah, pardon, excusez-moi. Ça, c'est la deuxième version. Je fais exprès, je me permets. Je vous en prie. Parce que c'était lui. Stop. Et top, parce que. Et c'est dans un troisième temps qu'il y a parce temps que parce moi. Que c'était moi. Et quand vous avez parce que c'était lui, là, c'est l'ascendant quand même. Parce que c'était lui. Donc, toute la page, j'avais travaillé là-dessus. Oui, c'est vrai, il y a une asymétrie alors. Toute la page a été retravaillée pour qu'il y ait symétrie. Vous voyez? Ça veut dire qu'à mesure que Montaigne écrit, il se considère comme l'égal de la Boétie, alors qu'avant il le considérait comme. Il réalise le programme d'amitié. Il va jusqu'au bout de l'amitié que la Boétie lui a proposée et qu'il a digéré. Il a digéré la Boétie d'une certaine façon. Les essais digèrent la Boétie. Hein. La Boétie ou la mort de la Boétie? La mort, je sais pas. J'ai eu des discussions avec plusieurs personnes là-dessus qui disent que qui ont raison d'ailleurs de dire que de citer cette phrase où Montaigne dit à peu près c'est un grand plaisir de ne jamais finir un deuil, quoi, de ne jamais faire de faire perpétuellement les obsèques de quelqu'un qu'on a aimé. Vous voyez, c'est quand même très beau. Moi, j'avais plutôt tendance à dire que les essais, au fond, règlent le compte, n'est-ce pas, de cet ami qui a quand même reproché pas mal à Montaigne d'être un peu trop volage. Hein, d'aller un peu trop avec les femmes, avec les courtisanes et les femmes mariées. Hein. Vous voyez, c'est quand même, et il lui faisait la leçon. Hein. Bah, Montaigne n'est pas toujours de toute douceur envers son ami la Boétie. On trouve notamment, je vous en tire une petite citation parce que c'est amusant. Socrate, qui a été un exemplaire parfait en toute grande qualité, j'ai dépit qu'il eût rencontré un corps et un visage si vilain, comme on dit, et disconvenable à la beauté de son âme, lui si amoureux et si affolé de sa beauté. Celui-ci, Cicéron, parle d'une laideur dénaturée et difformité de membres. Mais nous appelons laideur aussi une mésavenance au premier regard qui loge principalement au visage et souvent nous dégoûte par bien légère cause. La laideur, qui revêtait une âme très belle en la Boétie, était de ce prédicament. Quel besoin a-t-il d'insister sur la laideur de son ami Alain Le Gros ? Alors, presque de la méchanceté. Je ne sais pas si de la méchanceté, mais non, il le compare à Socrate. Enfin, c'est quand oui, même mais par pareil, sa laideur, il aurait pu rien. Comparer par d'autres choses que par ben oui, mais un aspect physique. C'est un topos, ça. C'est, on trouve ça chez Rabelais aussi, Socrate, et c'est l'étonnement. Comment se fait-il qu'il soit si bon alors qu'il était si laid ? Alors parce on n'a pas de portrait de la Boétie. C'est pas un Kalos Kagathos. Hein. Voilà. Kalos Kagathos, c'est-dire l'idéal grec, à la fois bel et oui, bon. Oui, le canon masculin. Bel et bon, c'est les deux. Si vous êtes bon, vous êtes beau. Si vous êtes beau, vous êtes bon. Et donc on ne sait pas à quoi ressemblait la Boétie en vérité. Non, pas on du tout. On n'a pas de portrait. Pas du tout, mais Montaigne non plus, d'ailleurs. À part. Le portrait qu'on lui connaît ne serait pas fidèle. Non, pas. Beaucoup sont faits d'après d'autres portraits gravés d'autres personnes, sauf quelques-uns et qui sont au plus près de la figure qu'on lui voit sur le tombeau, hein, qui est au musée d'Aquitaine à Bordeaux. Donc pour finir sur cette phrase-là, parce que c'était lui, parce que c'était moi, elle est le résultat d'un travail, alors qu'elle est courte, elle exprime une symétrie entre les deux personnes, et elle est finalement l'expression d'une amitié parfaite qui frôle avec un amour, là je parlais de coup de foudre, parce que c'était lui, parce que c'était moi, c'est l'amitié inconditionnelle. Oui. Je voudrais, si vous permettez, lire ceci, mais cela c'est deux petites phrases. Un sage ne voit guère moins son ami mourant au bout de 25 ans qu'au premier rang. Qu'au premier an. Mais tant d'autres cogitations traversent cette-ci qu'elle s'alanguit et se lasse enfin. J'ai l'impression qu'il a écrit pour aller contre cet alanguissement, contre cette lassitude. Comme si il y avait là une espèce de devoir de conscience, de continuer à porter ce deuil. Ça ne veut pas dire qu'il n'éprouve rien, mais il éprouve pas constamment quelque chose, comme nous tous. Et, chose tout à fait intéressante, quand même, qui nous parle, c'est lorsqu'il dit dans le journal de voyage, qui n'est pas destiné, qui a été retrouvé comme ça dans un coffre, qui n'a jamais été destiné à la publication. C'est peut-être là qu'il faut aller chercher des choses. Et alors, il parle de ses urines, il parle de ses... Bon, c'est une sorte de journal de malade, un peu, aussi, par... Pas seulement, hein, mais de temps en temps, quand il est là, il est aux eaux, au terme, hein, et il écrit ce même matin, alors qu'il parle, il vient de faire l'inventaire de ses petits problèmes, gros problèmes, hein, de maladie, ce même matin, écrivant à Monsieur Ossa, le cardinal d'Ossa, je tombe en un pansement si pénible de Monsieur de la Boétie, et il fut si longtemps sans me raviser, que cela me fit grand mal. Ça, c'est, voilà. Là, on a quelque chose qui indique bien qu'il y a, mais c'est pas un sentiment qu'il a toujours. Hein. Quand il y pense, évidemment, il a les accents de Jean de la Croix, hein, Une nuit obscure. Toute ma vie n'est qu'une nuit obscure. La nuit obscure, c'est très curieux. C'est ce qu'il dit dans le texte. Hein, oui, justement. Sans lui, tout n'est que fumée et qu'une nuit obscure et ennuyeuse. Voilà. Jean de la Croix. Et de Jean de la Croix, on va se quitter avec Léo Ferré qui lui chante l'amour qui peut unir les vieux copains, dit-il. Les vieux copains, ridés, fatigués, qui vous tendent la main après bien des années. Les vieux copains que l'on voit s'en aller en se tenant par la main pour ne pas culbuter. Les vieux copains ont les yeux comme les cieux quand les cieux sont tournés et qui voient pour le mieux. Les vieux copains tout salis par le temps qui n'est plus qu'à la pluie quand tu pleures dans les yeux. Les vieux copains tout ridés, fatigués, qui vous tendent la main après bien des années. Les vieux copains que l'on voit s'en aller en se tenant par la main pour ne pas culpiter. Merci beaucoup Alain Legros d'être venu nous parler de Montaigne aujourd'hui et de son amitié avec la Boétie. On va mettre en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie les différents ouvrages que vous lui avez consacrés. Je cite l'essai sur poutre, peinture et inscription chez Montaigne aux éditions Klinksic, ainsi que Montaigne manuscrit aux éditions Classique Garnier. Merci et à bientôt. Dans les bras d'une gueuse, avec ses seins trahis, sous la robe trompeuse, avec le reste aussi, et croyez-moi petite, j'étais souvent gentil. Avec le cœur devant et mes rêves dedans. Les vieux copains qu'on avait cru des fois prendre l'or de leur voix pour t'offrir un bijou. Les vieux copains qui te prenaient le temps pour se faire un printemps et t'en donner un bout. Les vieux copains dont le passé passé dans leurs pas trop pressés à marcher sur l'amour. Les vieux copains qui disent comment vas-tu et qui ne savent plus ni leur nom ni le tien. Les vieux copains qu'on avait cru des fois prendre l'or de leur voix pour t'offrir un bijou. Les vieux copains qui te prenaient le temps pour se faire un printemps. T'en donner le bout. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, les 10h53, il est l'heure de retrouver comme tous les jours le journal de la philo présenté par Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Géraldine, bonjour à vous. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, vous nous parlez d'intelligence artificielle. Un livre de plus sur le sujet, diront certains. C'est vrai que l'intelligence artificielle est un sujet à la mode, en tout cas porteur pour la philosophie, mais c'est aussi un sujet clivant, car il faut le souligner sur ce sujet, l'intelligence artificielle. Donc il y a les contre et les pour, ou plutôt ceux qui y voient un danger et ceux qui n'y voient rien qu'une étape de plus dans le progrès. Autrement dit, il y a les inquiets et les enthousiastes, voire les indifférents. Indifférents qui écrivent quand même sur le sujet, bizarre, mais pourquoi pas. Le livre dont je vais vous parler appartient pour sa part clairement à la première catégorie, c'est-à-dire les contre, les critiques, mais il n'est pas pour autant inquiet, au contraire, critiquer l'intelligence artificielle est l'occasion de faire, pour le philosophe, un éloge de la pensée humaine. Ce philosophe, c'est l'allemand Marcus Gabriel et son livre en français, c'est « Pourquoi la pensée humaine est inégalable ». Aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, on ne marche pas, on ne court pas, on vole. Microsoft AI aide un architecte à redonner vie à l'histoire. Ça se passe maintenant. L'IA aide les agriculteurs à produire plus en utilisant moins de ressources. Une ingénieure étudie comment l'IA pourrait permettre aux sourds malentendants de visualiser les sons. L'innovation prépare le futur. Et le futur est déjà là. Une machine est-elle intelligente? Peut-on parler d'un esprit pour un ordinateur comme pour un humain? Dire qu'une machine, qu'un ordinateur ou qu'une intelligence artificielle sent les choses, a une personnalité, pense et réfléchit, a-t-il un sens? Ce sont quelques-unes des questions que pose la philosophie de l'intelligence artificielle, véritable courant de pensée en philosophie. Et ce sont quelques-unes des questions que soulève Marcus Gabriel dans son nouvel essai. Philosophe allemand, très connu outre-Rhin, il n'est pourtant pas un spécialiste de l'intelligence artificielle en tant que tel. Il est déjà l'auteur de deux essais, le premier sur le monde, le deuxième sur le moi. Ce troisième essai, donc sur l'intelligence artificielle, vient clôturer cette trilogie en se penchant sur la pensée, cette interface, selon Marcus Gabriel, entre le monde et le moi, entre ces deux premières réflexions. L'intelligence artificielle est donc un moyen pour Marcus Gabriel d'enfoncer le clou de sa théorie et de creuser ce qu'il n'avait pas fouillé auparavant, la pensée. Et c'est ainsi que les questions qu'il pose sont plutôt de ce genre. En quoi la pensée humaine est inégalable, titre de l'ouvrage, de quelle nature est-elle et pourquoi une machine ne pourra jamais atteindre cette nature? On a l'habitude en effet de voir les ordinateurs sous cette forme, c'est-à-dire des armoires à l'intérieur desquelles il se passe quelque chose. Mais on voudrait bien savoir ce qui se passe. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment ça fonctionne? Eh bien, je vais essayer. Je pense qu'il faut tout de suite éviter de parler de cerveau électronique. Un ordinateur, c'est des fils, c'est de la ferraille, c'est des plaques de circuit imprimé, c'est des transistors et des résistances. Par conséquent, rien qui fait penser quelque chose d'extrêmement complexe, comme un cerveau humain, par exemple. Mais pourtant, c'est quelque chose de merveilleux, et c'est merveilleux tout simplement parce que ça peut exécuter très vite des choses extrêmement simples. Ça peut exécuter des calculs très vite, ça a donc la fonction calculateur, mais ça a une fonction de plus qui fait qu'on l'appelle ordinateur, ça peut exécuter des fonctions, des décisions logiques extrêmement vite. Le livre de Marcus Gabriel est un livre vraiment dense. Constructivisme, naturalisme, empirisme, matérialisme, entre toutes les approches en isme qu'il critique, les références pop culture, il cite énormément de séries et les relectures qu'il fait d'Aristote, il peut être difficile d'y voir clair et de résumer en quelques lignes sa ligne, justement son but, son idée. J'ai donc décidé de faire simple et de vous donner certains éléments pour en comprendre la thèse principale, à savoir, je le rappelle, que la pensée humaine est inégalable. Alors déjà, il faut savoir que Marcus Gabriel défend lui aussi une position en isme. C'est le nouveau réalisme, selon lequel les choses existent vraiment, sont réelles, sont connaissables en tant que telles. Parmi ces choses, il y a ainsi la planète, les rêves, les chasses d'eau et les espoirs, et donc aussi la pensée. Son but n'est donc pas tant d'abattre l'intelligence artificielle que de penser la pensée humaine, et son idée est double, la pensée est un sens biologique, autant que l'ouïe, la vue ou le toucher, et on peut lui donner un sens, c'est-à-dire une intentionnalité, une individualité, une perspective, ce qui n'est pas le cas d'un ordinateur. Monsieur Théodore Twombly, bienvenue dans le monde du premier système d'exploitation à intelligence artificielle. Nous aimerions vous poser quelques questions. Ok. Êtes-vous un être social ou antisocial? Je crois que je n'ai pas été très social dernièrement. Comment décririez-vous votre relation avec votre mère? Merci. Veuillez attendre pendant que votre système d'exploitation est initialisé. Bonjour, je suis là. Salut. Salut. Je suis Samantha. Oui, un ordinateur peut me battre au jeu de Go. Oui, un ordinateur est plus rapide, plus efficace, plus fiable en termes de mémoire et de tâches à effectuer. Oui, il est meilleur, mais il ne pense pas. Et pour le démontrer, Gabriel déploie deux types d'arguments dans son livre. D'une part, ce qui consiste à montrer que la pensée humaine pense et qu'elle peut se penser en train de penser, ce qu'on appelle pompeusement la métacognition. Et d'autre part, il y a les arguments qui consistent à informer cette pensée humaine en l'individualisant. Samantha, cette intelligence artificielle parfaite, a peut-être une personnalité, du répondant, des sentiments, elle est la meilleure, mais elle ne pense pas qu'elle pense. Elle réfléchit selon un modèle de pensée, mais sans penser par elle-même et surtout sans se tromper. S'il y a ainsi une chose à retenir de l'exposé de Gabriel, c'est ça. La pensée n'est qu'humaine, trop humaine, entendez uniquement donnée aux hommes et entendez seulement offerte à ceux qui sont capables de se tromper. Et donc pourquoi la pensée humaine est inégalable, c'est le titre du livre. De Marcus Gabriel aux éditions J.C. Lattès. Et on est un peu en retard, j'en profite simplement pour remercier l'équipe des Chemins de la Philosophie comme chaque jour. Hein. Isis Jourda, Colomba Grossi, Elsa Le Saulnier, Anaïs Isbert, Thomas Bock réalise cette semaine, Anthony Thomasson à la prise de son. Et vous donner rendez-vous demain pour la suite de notre série sur l'amitié entre philosophes. Demain on parlera d'Aristote et de Platon, pas vraiment amis d'ailleurs, mais qui ont chacun leur chose à dire sur le sujet. Faut-il préférer la vérité à l'amitié? Ce sera Anne Mercker qui répondra à cette question.